gogo. Fric, fric, fric, fric, c'est ça la France Afrique. Les mallettes et les lingots volés ont mis l'Afrique KO. Fric, fric, fric, fric, c'est la France Afrique. C'est Tintin au Congo, la magouille à gogo. Nos présidents se centrent de vagues. Cette aliénation est inacceptable. Les présidents africains bonobo ont donné à boire à tout notre magot. La relation cheval-cavalier, cette relation ne peut plus durer. La relation cheval-cavalier, cette relation ne doit plus exister. Oui, why, l'Afrique va se réveiller. Oui, why, les Africains vont se révolter. Oui, why, l'Afrique va se réveiller. Oui, why, les Africains vont se révolter. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, les Africains vont se révolter. Oui, oui, ce jour-là, ça va chauffer. Fric, fric, fric, fric, c'est ça la France-Afrique. C'est Tintin au Congo, la magouille à gogo. Fric, fric, fric, fric, c'est la France-Afrique. Tout ce qu'ils ont pillé et tout ce qu'ils ont caché. Oui, why, l'Afrique va se réveiller. Oui, why, les Africains vont se révolter. Oui, why, l'Afrique va se réveiller. Oui, why, les Africains vont se révolter. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, ce sera ignafognable. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, une colère ignafognable. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, ce sera ignafognable. Ce sera ignafognable.